franceinter.com. Qu'est-il devenu ? A-t-il été haché menu ? Incinéré dans une usine de retraitement d'ordures du Michigan ? Ou coulé dans le béton du Giants Stadium de New York ? À moins qu'il n'ait été jeté dans un marais de Floride où les alligators n'auraient pas tardé à dévorer son cadavre. Mystère. En tout cas, on n'a jamais retrouvé son corps, et ça dure depuis 35 ans. Depuis qu'un jour de 1975 à Détroit, Jimmy Hoffa a purement et simplement disparu. Hoffa, un syndicaliste emblématique, le patron du puissant syndicat des camionneurs américains, les fameux et redoutables Teamsters. Une personnalité charismatique, un entraîneur de foule et donc un agent électoral de première importance, courtisé par les hommes politiques, mais aussi un homme lié à la mafia nord-américaine, maintes fois inculpé et même emprisonné pendant plusieurs années à cause de ses relations douteuses et des malversations commises dans le cadre de ses activités syndicales. Pour compléter le tableau, il faut ajouter que Jimmy Hoffa, comme ses amis, les parrains de la pègre, a été soupçonné d'avoir été mêlé à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy et de son frère Robert, son meilleur ennemi, le ministre de la Justice, qui avait juré de le perdre. La mystérieuse disparition d'un tel personnage ne pouvait donc passer inaperçue. Et elle n'a cessé de donner lieu aux hypothèses les plus diverses. Monsieur X fait le point, propose sa propre explication et revient sur la carrière d'un homme qui a été autant détesté qu'adulé. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way, yeah, gotta go make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of your guns and bombs and explode into space, I like smoking lightning. And with the wind and the feeling that I'm under, yeah, I gotta go make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of the guns at once and explode into space, like a true nature's child, we were born, born to be wild, we can climb so high, I never wanna die. L'homme d'abord. Eh bien, il ressemblait à sa légende. petit mais râblé, un costaud au cou de taureau bâti pour la bagarre et qui, dans sa jeunesse, n'a jamais hésité à faire usage de ses poings. Un sanguin. Oui, oui, un homme du peuple et qui était fier de l'être. D'ailleurs, malgré les millions de dollars qu'il a brassés, Jimmy Hoffa vivait dans une maison modeste de Détroit. Son seul luxe, c'était les belles bagnoles. Mais il tenait à les conduire lui-même. Un type tout simple, en ça. Voilà. Autre caractéristique, Hoffa massacrait l'anglais. Et pourtant, quand il prononçait un discours, cet ancien ouvrier était capable d'enflammer ses auditeurs. Un autodidacte, j'imagine. En effet, le seul véritable enseignement qu'il a reçu, c'est celui de la rue. Alors, ses origines ? Hoffa James Riddle, de son vrai nom, est né en 1913 dans une cité minière de l'Indiana. Une anecdote. Le petit garçon a longtemps été surnommé la tumeur. La tumeur, m'a expliqué la... Le médecin, qui soignait sa mère et qui devait sans doute abuser du whisky, a longtemps soutenu que l'enflure du ventre maternel était due à une tumeur maligne. Jusqu'au jour où la pauvre femme a accouché du petit Jimmy. Curieuse méprise, quoi. Et curieux début dans la vie, oui. Et la suite est à l'avenant. On se croirait dans un roman de Steinbeck. Le père, un mineur, meurt lorsque l'enfant a 7 ans. Peut-être victime de la silicose, mais plus probablement à cause des nombreux coups portés par les hommes de main du patronat qui répriment sans pitié les manifestations ouvrières. Peu après, la famille émigre à Détroit. La vie est dure, la mère et les enfants travaillent dans une blanchisserie. Et Jimmy lui-même ne tarde pas à quitter l'école. Mais c'est l'époque de la Grande Dépression. Et de la misère qui frappe le prolétariat américain. Ouais. L'adolescent trouve alors un emploi dans une épicerie en gros, au sein d'une équipe de manutentionnaires. Il décharge les wagons de marchandises pour seulement 30 cents de l'heure. Une besogne épuisante. Mais qui va décider du destin du jeune homme ? Hoffa, tout juste 17 ans, parvient à mobiliser ses camarades. Et il organise une grève surprise pour réclamer de meilleures conditions de travail. Prise de cours, la direction de l'entreprise cède. C'est la première victoire syndicale de Jimmy Hoffa. C'est un début assez prometteur. Ouais, le jeune homme montre rapidement qu'il possède d'incontestables qualités. C'est un organisateur, un fonceur, un type intrépide qui ne recule jamais. Pourtant, l'époque est rude. Le patronat américain use de tous les moyens pour combattre la contestation syndicale. Ford recrute des repris de justice pour briser les grèves. Par centaines. Ouais. Ouais. En Virginie, les mineurs doivent affronter des mitrailleuses de la garde nationale. Et dans le sud, ce sont les sbires du Ku Klux Klan qui sont à la manœuvre contre les ouvriers agricoles. Certains sont lynchés et même castrés. Et Hoffa est donc lancé dans cette bagarre. Oui, il a été très vite remarqué par le syndicat AFL, la Fédération américaine du travail. Une centrale ouvrière qui n'a pas encore la puissance qu'elle possède aujourd'hui. En tout cas, dès 1931, Hoffa est recruté par le syndicat des Teamsters. C'est les chauffeurs routiers. Et Hoffa, il fait la preuve de sa pugnacité en affrontant, souvent physiquement, les hommes de main du patronat du transport. Il est plusieurs fois passé à tabac, emprisonné et même torturé. Un peu plus tard, ses voitures et ses bureaux seront même dynamités. Mais Hoffa ne renonce jamais. Et surtout, il va adopter les méthodes de ses adversaires. Mais c'est-à-dire ? Et comme le patronat a fréquemment recours aux hommes de la pègre, il va lui aussi s'acoquiner avec des gangsters pour lutter contre le patronat. Armes égales en ça. Ouais. Si on veut. Et ici, il faut tout de suite dire que ce milieu... Sans jeu de mots, ne lui était pas vraiment étranger. Car dans sa jeunesse passée dans les rues de Détroit, Hoffa a forcément rencontré de futurs voyous. Plus important, il convient aussi d'observer que dans ces tumultueuses années 30, la mafia a favorisé l'essor des syndicats nord-américains. C'était pas par philanthropie, hein ? Évidemment, c'était une forme d'investissement. Et on ne tardera pas à voir que ces relations contre nature, entre syndicats et crimes organisés, ne cesseront de prospérer. Parfois, on ne pourra même plus faire la différence entre les deux structures. Hoffa, d'ailleurs, ne reniera jamais ses rapports étroits. Et il les justifiera au nom de l'efficacité syndicale. Puisque le patronat employait la pègre contre les travailleurs, il fallait tout faire pour la connaître et la circonvenir. Pas très convaincant, ça. Enfin, réaliste, en tous les cas. De la même façon, Hoffa dira sans embâche que pour ne pas avoir d'ennuis avec la police, il fallait l'acheter. Et celui qui ne le faisait pas était un imbécile. Eh ben, c'est au moins le mérite de la franchise. N'est-ce pas ? Quoi qu'il en soit, ses propos à l'emporte-pièce n'empêchent pas Hoffa de faire carrière au sein du syndicat des Teamsters. Quoi, il grimpe dans la hiérarchie ? Assez vite, oui. Il n'a même pas 30 ans lorsqu'il devient le patron de l'une des branches les plus importantes du syndicat dans le Middle West. Mais au fait, lui-même n'est pas un Teamster, un camionneur. C'est vrai. Ça n'a aucune importance, car le syndicat recrutera bientôt dans d'autres branches professionnelles. Et puis, le dur métier de débardeur ou docker qu'il a exercé à ses débuts n'était pas tout à fait étranger au monde des routiers. Ouais. Au début des années 40, la grande affaire, c'est la rivalité qui oppose la FL à l'autre syndicat, le CIO, Congrès des organisations industrielles. Les deux organisations étant aujourd'hui réunies. Elles l'ont été après la Seconde Guerre mondiale, oui, mais au début 40, la compétition est féroce. Et un certain nombre de Teamsters affiliés à l'AFL veulent rejoindre le CIO jugé plus radical. Et où EFA se situe-t-il ? Lui, il reste fidèle à l'AFL, alors même que ses dissidents ont souvent été ses mentors. Il s'ensuit une purge sanglante. Au sens propre du mot ? Oui, on se bat dans les rues de Saint-Paul, la capitale du Minnesota. Et EFA n'est pas le dernier à affronter physiquement ses anciens amis. Ce n'est pas tout à fait innocent. En affichant sa détermination et son courage, EFA construit son ascension à la tête du syndicat des Teamsters. Et en même temps, il participe à l'enracinement de son organisation dans la société états-unienne, le monde politique et la mafia. Oui, une montée en puissance. Et d'abord parce que le syndicat recrute au-delà de toute espérance. La confrérie internationale des transporteurs routiers, son nom officiel, va bientôt rassembler des centaines de milliers d'adhérents. Son pouvoir devient donc considérable. Et incontournable. Ça se comprend très bien. Sur un seul mot d'ordre de grève, les Teamsters ont la possibilité, sinon de paralyser l'économie américaine, du moins de l'affaiblir durablement. Une capacité de nuisance qui pouvait aussi s'exercer ponctuellement contre telle ou telle entreprise. Une entreprise qu'on voulait punir ? Par exemple. Mmh. Il suffisait aux Teamsters de bloquer ou retarder les livraisons à destination de cette société. Et les dirigeants de la mafia ne s'y sont pas trompés. Si grâce à des gens comme EFA, ils mettaient la main sur le syndicat, il pourrait s'enrichir à mon compte. En raquettant les entreprises ? Bien évidemment. Ou vous acceptez de payer, ou nous vous ruinons en paralysant votre activité. C'était particulièrement efficace dans le domaine des denrées périssables et dans le secteur industriel où les Teamsters pouvaient suspendre l'approvisionnement en pièces détachées. A contrario, pour favoriser une entreprise amie, il était possible, en utilisant les mêmes méthodes, de s'en prendre à ses concurrents. Je comprends, ouais. Et que gagnaient, au fond, les syndicalistes avec l'élaboration d'un tel système ? En s'inféodant au crime organisé, ils étaient certains d'être protégés. En outre, bien sûr, le produit du racket était partagé entre tous les complices. Alors on assiste donc progressivement à une interpénétration entre le syndicalisme et la mafia. Et ça va très loin. Car si le syndicat des Teamsters a forcément été en pointe dans cette entreprise de corruption, d'autres secteurs d'activité ont suivi, le plus connu étant l'industrie du spectacle. Hollywood. Où la mafia a pu ainsi faire la pluie et le beau temps. Mais la partie se jouait aussi à trois. Qui était le troisième alors ? Le monde des politiciens. C'était d'autant plus facile que les liens entre la mafia et la politique étaient anciens aux États-Unis. De nombreux politiciens ont donc été presque naturellement associés à cette mainmise du crime organisé sur l'économie du pays. Ils étaient d'autant plus favorables que les gangsters pouvaient leur servir d'agents électoraux ou financer leur campagne. En plus, il faut bien dire que pour le pouvoir politique, il y avait aussi d'autres avantages. Lesquels alors ? Le principal était celui du maintien de la paix sociale. Car ni les gangsters, ni les dirigeants syndicaux qui profitaient grassement du système n'avaient intérêt à faire parler la poudre. Et ça évitait aussi que des syndicats honnêtes, mais plus revendicatifs, ne voient le jour aux États-Unis. Et à l'époque où va poindre le macartisme et donc l'obsession anticommuniste, c'était capital. Rendez-vous avec X. Tout est dans le sous-titre argent, pouvoir, corruption, le modèle Las Vegas. Du livre de Sally Denton et Roger Morris, une hyper-Amérique. J'en extrais ce passage où les auteurs évoquent Jimmy Hoffa et son prédécesseur à la tête du syndicat des Teamsters, Dave Beck. À mesure qu'ils renforçaient leur position, Hoffa et les camionneurs s'intégraient au système plus large issu de la violence et de la vénalité. Pour prendre le pouvoir et le conserver, des dirigeants comme Beck et Hoffa achetaient le soutien du patronat par la stabilité de la main-d'œuvre ouvrière et les politiciens par l'argent. Dans la galerie de portraits figurent des titulaires de mandats célèbres, dont Kefauver et Nixon, discrètement et parfois ouvertement parrainés par l'argent des camionneurs. Les dirigeants étaient donc maintenus en poste par l'establishment social et politique, souvent au détriment de leur base, car ils faisaient figure d'alternative à un syndicalisme plus radical. Beck s'était allié aux républicains et Hoffa ferait de même avec Nixon. En définitive, les deux dirigeants des camionneurs suivaient évidemment la même politique, celle de leur propre pouvoir. Cet ouvrage, Une hyper-Amérique, a été publié en France par Autrement. C'est dans les années d'après-guerre que Jimmy Hoffa va véritablement prendre son envol et prendre peu à peu le contrôle des sections syndicales des plus grandes villes. Et pour lui, la clé de cette réussite, ce doit être Chicago, qui lui permettra de régner sur tout le Middle West. Chicago, la ville phare du crime organisé. Oui, oui, non, cette ville où Al Capone a régné si longtemps. Le syndicat des Teamsters s'est tombé sous la coupe de la mafia dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est le parrain local, Sam Giancana, qui tire les ficelles et désigne directement les dirigeants du syndicat. C'est plus simple. Il a donc choisi un syndicaliste de Seattle, Dave Beck, qui va devenir le dirigeant international des Teamsters. Et auprès de lui, il place Jimmy Hoffa, qui, aux yeux de la mafia, jouit déjà d'une solide réputation. Mais comme Hoffa a les dents longues et qu'il entend consolider d'emblée sa position à Chicago, il s'allie à un autre syndicaliste corrompu. Dorfman, le puissant patron des éboueurs, un homme qui est à tu et à toi avec tous les gangsters locaux. C'est ainsi que les deux syndicalistes concluent une sorte de marché. Bah quoi ? Dorfman introduit Hoffa dans les milieux politiques et mafieux de Chicago. Et en retour, Hoffa lui remet à lui et à sa famille la direction de la compagnie d'assurance des fonds de sécurité des Teamsters. Un poste qui va lui permettre de bâtir une fortune considérable. Et si, j'insiste sur ce point, c'est d'abord qu'il sera à la source des premiers vrais ennuis judiciaires de Jimmy Hoffa. Et qu'ensuite, il illustre parfaitement le système de corruption mis en place par Hoffa et ses amis. Ça mérite une explication, ça. Pour parler vulgairement, cette compagnie d'assurance, c'est une pompe à fric. En augmentant les cotisations réclamées aux adhérents et en diminuant les prestations qui leur sont dues, ce Dorfman et les siens ont gagné des sommes inouïes. Il a fait toucher sa part ? C'est très vraisemblable, sans compter les membres de la pègre. On touche avec cette entourloupe l'un des aspects les plus pervers du syndicalisme gangréné par la mafia. Car dans cette affaire, Hoffa, qui a toujours proclamé avoir combattu pour les droits et les intérêts des membres de son syndicat, a en réalité travaillé à les dépouiller. Donc finalement, alors, le racket effectué par la mafia s'exerce aussi aux dépens du syndicat lui-même. C'est ce que je voulais vous dire, oui. Hoffa escroquait également ses chers Teamsters. Avant d'être un syndicaliste, c'est d'abord un voyou. Et notez bien qu'il n'agira pas autrement avec la caisse de retraite des Teamsters, qui servira d'abord à octroyer des prêts très avantageux aux caïds du milieu. Prêts qui leur permettront souvent de créer des entreprises fantômes qui ne tarderont pas à mettre la clé sous la porte. Et l'argent de la caisse de retraite disparaîtra à jamais. Bien sûr. Et vous m'avez dit qu'avec cette affaire de la compagnie d'assurance, là, Hoffa allait connaître ses premiers vrais ennuis avec la justice. C'est exact. N'allons pas trop vite. Il faut simplement noter que depuis assez longtemps, les syndicats américains, et particulièrement celui des Teamsters, étaient régulièrement l'objet d'enquêtes. La justice les soupçonnait d'agissements frauduleux et d'avoir partie liée avec le crime organisé. Mais tout aussi régulièrement, ces enquêtes étaient étouffées par les politiciens qui étaient à la solde de la mafia. Toutefois, en 1957, le président du syndicat des Teamsters, Dave Beck, accusé d'avoir détourné des centaines de milliers de dollars, est obligé de se démettre avant de comparaître plus tard devant une commission parlementaire. Oui, il était devenu un peu voyant. Et même très embarrassant. Et ce fut la chance de Jimmy Hoffa. Enfin, il allait pouvoir devenir le numéro un. Et en effet, très populaire parmi ses troupes, il est élu, triomphalement. mais il arrivait au sommet à un moment où le syndicat des Teamsters commençait à connaître de sérieux ennuis. Déjà, en cette même année 57, il avait été exclu de la centrale ouvrière AFL-CIO. Ouais, la centrale a réunifié. Mais pour quelle raison exactement ? Officiellement, il était accusé par ses pairs de débauchage de syndicalistes appartenant à d'autres organisations, ce qui était interdit par les statuts de la centrale ouvrière. Mais en réalité, c'était ses méthodes violentes et ses pratiques douteuses qui étaient déjà en cause. Et désormais, la justice et son futur grand ennemi, Bobby Kennedy, ne lâcheront plus Jimmy Hoffa. Il a donc gagné en prenant la tête des Teamsters, mais c'était une victoire à la Pyrrhus. Non, car l'homme a de la ressource et il va longtemps résister, aidé bien entendu par une armada d'avocats. Mais voyons ça dans le détail. Au départ, il y a donc une commission parlementaire, la commission McClellan, chargée de faire la lumière sur le racket des syndicats et sur les pots de vin distribués à droite et à gauche pour échapper à toute poursuite. Un système qui avait jusque-là fonctionné à la perfection. Mais avec la création de cette commission, ça va changer, parce que les deux frères Kennedy vont prendre les choses en main. Mais pourquoi se mêlent-ils de cette affaire-là ? Franchement, je crois que ces deux jeunes gens ambitieux ont vu dans cette croisade contre la corruption un véritable levier pour se hisser au premier plan. L'un, John Fitzgerald, siège donc dans cette commission du Congrès en tant que sénateur. Et l'autre, Robert, est nommé avocat conseil de cette même commission qui va abattre une besogne considérable. Tout au long de ces 30 mois de travaux, 1000 témoins vont être entendus et 100 experts comptables et enquêteurs ont été mobilisés. Les deux frères Kennedy gagnent leur pari ? Incontestablement. John a acquis une stature politique nationale et a donc fait un grand pas vers la présidence. Quant à Bobby, il est devenu le héros de la lutte contre la corruption, contre cet ennemi de l'intérieur, comme il l'appelle, et qui ronge dangereusement les États-Unis. Pourtant, le clan Kennedy, à cause des activités passées du père, Joey, n'était pas tout à fait étranger au monde de la mafia. Vous avez raison. Joe Kennedy avait bâti une partie de sa fortune à l'époque de la Prohibition en se livrant au trafic d'alcool. Et il avait alors entretenu des rapports très étroits avec la pègre. Ah, il avait donc sans doute vu d'un mauvais œil à l'initiative de ses deux fils. C'est certain. Et d'après des proches du clan, une vive dispute a même opposé le père à ses deux fils. Mais ceux-ci lui ont fait valoir que les avantages politiques l'emporteraient sur les inconvénients. Et Joe avait fini par s'incliner, sans toutefois rompre lui-même avec ses amis de la mafia. Et on verra qu'au moment de la campagne présidentielle, il les activera en faveur de JFK. Il y a donc eu au sein du clan Kennedy, là, ce qu'on pourrait appeler un conflit d'intérêts. Et plus tard, lorsque John sera président et Bobby son ardent ministre de la Justice, certains esprits mal intentionnés ne manqueront pas de noter que les poursuites exercées contre la mafia seront parfois sélectives. Qu'insinuez-vous, là ? Les parrains de la mafia liés au vieux Joey Kennedy, tel Meyer Slansky et bien d'autres, seront épargnés. Bref, on oubliera de s'attaquer à ceux qui, autrefois, avaient eu connaissance des activités illicites de Joe Kennedy. Avant d'aller plus loin, là, quelles ont été les suites des travaux de la commission McClellan ? Le prédécesseur de Jimmy Hoffa, à la tête du syndicat des Teamsters, est condamné à 7 ans de prison. Et Hoffa lui-même, alors ? Il passe provisoirement à travers les mailles du filet. Il est même lavé des accusations qui pesaient contre lui par un tribunal fédéral. Ça lui permet d'être triomphalement réélu à la tête des Teamsters. Mais Robert Kennedy n'a pas renoncé. Il en fait même une affaire personnelle. Et il n'aura de cesse d'essayer de faire tomber Hoffa. Une haine que le syndicaliste lui retournera avec la même violence. Et il en apporte la preuve dès la campagne présidentielle de 1960. Comment alors ? Le vieux Joe Kennedy, qui rêve de voir son fils devenir président, décide de tout faire pour réaliser cet objectif. Et comme il est bien placé pour connaître le poids électoral des syndicats, il approche discrètement le vice-président des Teamsters. C'est Frank Sinatra qui lui sert d'intermédiaire. Ah oui, Sinatra, dont les liens avec la mafia sont bien connus. Oui. Joe essaye donc de faire en sorte que les Teamsters prennent position en faveur de la candidature de son fils. Mais Hoffa, dès qu'il apprend la manœuvre, s'y oppose avec la plus grande détermination, d'autant qu'il a compris qu'on voulait par là même le pousser dehors. Et pour se venger, il se range dans le camp du républicain Nixon. Alors que, traditionnellement, les syndicalistes penchaient plutôt du côté démocrate. Mais Hoffa est un malin qui ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et en douce, il fait passer quelques millions de dollars au clan Kennedy au terme d'un accord secret passé avec le vieux Joe. De l'argent contre l'abandon du harcèlement judiciaire que mène contre lui Bob Kennedy. Mais ce dernier ne tiendra pas compte de cet accord. Et ça aura de terribles conséquences. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. L'ennemi de l'intérieur, a dit Monsieur X. C'est aussi le titre du livre que Robert Kennedy a consacré en 1960 à sa lutte contre la corruption. Dans cet extrait, il tire lui-même les conclusions des travaux de la commission McClellan. À la suite des révélations de la commission, un grand nombre de chefs syndicaux ont été chassés du pouvoir. Dave Beck, des Teamsters, James Cross, des boulangers, William Maloney, des mécaniciens, Clunert et Valente, président et trésorier du syndicat des ouvriers du textile, sans compter un bon nombre de dirigeants moins importants. Jimmy Hoffa et ses lieutenants, qui constituent le bastion de la corruption auquel nous nous sommes heurtés, sont toujours en place de leur syndicat, bien que les preuves contre eux soient écrasantes. Mais si Hoffa n'avait plus été président des Teamsters, aurions-nous eu une nouvelle législation ? J'en doute, car le fait qu'il soit toujours président de ce syndicat rappelait aux membres du Congrès que des réformes étaient désormais indispensables dans le domaine de la législation syndicale. Et, nous allons le voir, c'est la tâche à laquelle va s'atteler le ministre de la Justice de JFK. Hoffa, mais avec lui quelques pontes de la mafia, s'est senti bafoué dès les premiers jours de la présidence Kennedy. Car JFK, ainsi qu'il l'avait promis à son frère, le nomme attorney général. Oui, c'est-à-dire ministre de la Justice. Et Bobby annonce clairement la couleur. Il va se consacrer en priorité au combat contre le crime organisé. Et il s'entoure d'une équipe de 40 jeunes juristes chargés de confondre les 800 gangsters qui ont été ciblés par la commission McClellan. Et parmi eux, quelques grosses pointures. Les principaux chefs de la mafia, les trafiquantes, Giancana, Marcello, Rosselli et bien sûr Hoffa. Mais alors pas Meyer Lansky et les amis de Joe Kennedy. Hein. Non, mais ça, je vous ai expliqué pourquoi. En tout cas, c'est le début d'une bagarre qui va durer 8 ans. À noter, et c'est très important, que la plupart de ces caïds de la pègre avaient de gros intérêts à Cuba, avant la prise de pouvoir par Castro en 1959. Ah oui, ils aspiraient à son renversement pour récupérer leur casino et leur bordel. C'est pourquoi ils vont être impliqués dans la désastreuse aventure de la baie des cochons. Oui. Une tentative de renversement de Fidel Castro, orchestrée par la CIA et qui avait été préparée par Nixon lorsqu'il était encore vice-président. Oui, mais c'est sous Kennedy qu'elle va être mise en œuvre. Kennedy, qui va commettre là une grave erreur, et sera ensuite accusé par ses truands, quelques membres de la CIA, de s'être arrêté au milieu du guet. Et de ne pas avoir réellement soutenu les envahisseurs jusqu'au bout. Oui, ça sera ressenti comme une trahison supplémentaire par ces caïds de la pègre. D'où le soupçon, alors, qui pèsera sur la mafia et ses agents de la CIA, lorsque JFK sera assassiné à Dallas en novembre 63. Oui, enfin des soupçons qui entreront longtemps la vie politique américaine. Et vous, vous m'avez toujours donné l'impression d'y ajouter foi. Nous en avons parlé autrefois. Bon, alors je n'y reviens pas. Je me permets simplement de vous faire observer que Jack Ruby, l'homme qui a liquidé Oswald, le tueur présumé de Kennedy, et qui a donc empêché que la vérité se fasse jour. Oui, eh bien ce Ruby était une connaissance personnelle de Jimmy Hoffa. Alors concluez-en ce que vous voulez. D'autre part, on sait aujourd'hui que plusieurs projets d'attentat contre les deux frères Kennedy ont été envisagés par la mafia. Et selon le propre avocat de Jimmy Hoffa, le patron des Teamsters y aurait été associé. Enfin, revenons à mon propos initial, le combat de Bob Kennedy contre le crime organisé en général et Jimmy Hoffa en particulier. Un combat de 8 ans, m'avez-vous dit. Hein. Une guérilla juridique de tous les instants menée par l'équipe de Bobby. Et sans que le puissant et inamovible patron du FBI, Edgar Hoover, ne lui vienne vraiment en aide. Bah, Hoover qui a longtemps nié l'existence même du crime organisé. Et qui était bien plus préoccupé par la répression des menus communistes ou gauchistes, ou encore la surveillance des frasques sexuelles de JFK. Enfin, passons. Jimmy Hoffa, traqué, ne vit plus qu'entouré d'une horde d'avocats. Il doit répondre à d'incessantes convocations de la justice. Ce qui, il faut le remarquer, ne l'empêche nullement de vaquer à ses affaires. Hoffa, grâce au fonds de pension des Teamsters, a ainsi largement concouru au développement de Las Vegas et à l'expansion de cet empire des jeux dont les casinos appartenaient pratiquement tous aux parrains de la mafia. J'imagine qu'il a dû accueillir la nouvelle de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy avec un soulagement certain. Évidemment, car ça signifiait que Bobby Kennedy ne disposerait plus du même pouvoir. On a même entendu Hoffa s'exclamer triomphalement « Maintenant, Bobby n'est plus qu'un avocat comme les autres ». Ce en quoi il avait tort, car Robert Kennedy demeura ministre de la Justice jusqu'en septembre 1964 et se présentera ensuite aux élections sénatoriales. Mais surtout, Bobby avait mis en marche la machine judiciaire et ne pourrait plus s'arrêter, en dépit des manœuvres dilatoires des avocats de Hoffa. Alors, quelle est l'étape suivante ? En mars 1964, le patron des Teamsters est reconnu coupable d'avoir cherché à influencer un jury qu'il avait blanchi 2 ans plus tôt dans une affaire de pot de vin. Ouais, et ça, c'est une accusation très grave aux États-Unis. Et ça vaut à Hoffa une condamnation à 8 ans de prison. Peu après, un tribunal fédéral ajoute 5 années supplémentaires pour machination financière frauduleuse. Ouais, 13 ans au total. Alors, il va en prison ? Non, pas tout de suite. Ses avocats multiplient les recours. Ouais. Mais est-ce que cette double condamnation là, entame sa popularité chez les Teamsters ? Pas du tout. Et le syndicat ne sera jamais aussi puissant. Au moment même où son leader est condamné, il rassemble 3 millions d'adhérents. Un record. Par comparaison, il n'en compte plus aujourd'hui qu'un peu plus d'un million. Toutefois, 3 ans plus tard, en 1967 donc, ses avocats ayant épuisé toutes les arguties juridiques possibles, Jimmy Hoffa doit rejoindre la prison fédérale de Leavittsburg. Mmh. Il cesse d'être président des Teamsters ? Non, car son mandat vient à échéance en 1971 et il compte bien diriger le syndicat et ses propres affaires depuis sa cellule. Et d'ailleurs, il continue à toucher ses confortables émoluments de président. Surtout, s'il n'obtient pas une remise de peine, il a déjà envisagé de confier le syndicat à l'un de ses lieutenants, un certain Fitzsimmons, un type qui n'est pas moins corrompu que lui, mais qui est beaucoup moins charismatique. Un homme de paille ? On peut le penser. Entre-temps, vous le savez, Bobby Kennedy est à son tour assassiné. Oui, en 1968. Ouais. Et alors qu'il avait une bonne chance de succéder au président Johnson, qui ne se représentait pas. Et on a à nouveau parlé d'un complot. Hein ? Son assassin, Sirhan Sirhan, aurait été manipulé. Mais on n'en a jamais fourni la moindre preuve. Hoffa, qui voit une haine absolue à Bobby, aurait pu être tenté de se venger d'un homme qui l'avait jeté en prison. Hein. Oh, on y a effectivement pensé. Mais l'élection éventuelle de Robert Kennedy à la présidence des États-Unis effrayait aussi d'autres gens. Et je pense à Castro, par exemple. Castro, qui avait été l'objet de plusieurs tentatives de liquidation auxquelles Bob Kennedy n'était sans doute pas étranger. Enfin, inutile d'aller plus loin, puisqu'on n'en sait pas plus. En tout cas, la conséquence immédiate de l'assassinat de Bob Kennedy, c'est l'élection de Richard Nixon. Et ça, c'est une deuxième bonne nouvelle pour le détenu Jimmy Hoffa. Ah ben à cause des relations qu'il a nouées avec Nixon autrefois. Et Nixon, qui par ailleurs n'a jamais hésité à frayer avec les grands noms du crime organisé. Nixon aussi, qui avait bénéficié des largesses du président du syndicat des Teamsters. Et effectivement, Hoffa ne peut que se féliciter de l'arrivée de Richard Nixon à la Maison-Blanche. Assez vite, il apprend que le nouveau président américain est tout disposé à le faire bénéficier d'une mesure de grâce. Mais, car il y a un mais, Hoffa doit accepter préalablement de renoncer à présider le syndicat des Teamsters. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, clairement, Nixon veut que Jimmy Hoffa s'efface. Il fait tâche. C'est à peu près ça, oui. En d'autres termes, il a trop de casseroles. Et le président, qui n'entend pas rompre avec les Teamsters, dont le poids électoral et l'influence sont considérables, veut avoir affaire à un dirigeant plus présentable. Bah, ce Fitzsimmons, par exemple. Exactement. Fitzsimmons, qui est élu dès 1971 président des Teamsters. Alors, Hoffa a accepté le marché. Il lui est difficile de refuser, car il veut recouvrer sa liberté. Toutefois, il est presque certain qu'il n'est pas décidé à respecter les termes de l'accord. Et il compte bien récupérer son poste après la présidence de transition de son ancien adjoint, c'est-à-dire en 1976. Mais il ne le pourra pas, car il disparaît purement et simplement en 1975. Alors, avant d'émettre une hypothèse, là, quelques mots sur les circonstances de cette disparition. Le 30 juillet, Hoffa quitte son domicile de Détroit pour rejoindre un restaurant chic de la ville. Il doit y retrouver quelques membres de la mafia qui ont aussi exercé des responsabilités chez les Teamsters. Mais on ne le reverra plus. Est-il allé dans ce restaurant ? C'est possible, car on retrouvera sa voiture sur le parking de l'établissement. Mais naturellement, aucun membre du personnel ne déclarera l'avoir vu. Que s'est-il donc passé, là ? Manifestement, Hoffa est tombé dans un piège. Il a été enlevé sur le trajet entre son domicile et le restaurant. Mais un piège tendu par qui ? Par ceux qui étaient censés l'attendre au restaurant et qui connaissaient donc son itinéraire et l'heure de son départ. Mais Hoffa a sans doute été livré ensuite à des hommes de main, des spécialistes de la disparition des cadavres encombrants. Ouais. Parce que vous pensez qu'il a été aussitôt assassiné ? Je n'ai pas dit ça. Hoffa détenait beaucoup de secrets. Il a sans doute été tentant de le faire parler avant de l'exécuter. Une exécution qui a été revendiquée en 2004 par un tueur à gages de la mafia, Frank Sheeran, dans les mémoires posthumes. Oui, mais ça c'est un tueur à gages. Mais fondamentalement, là, pourquoi s'est-on débarrassé de lui ? Je vous ferai une réponse prosaïque. Hoffa avait fait son temps, c'est tout. Et puis cette prétention à vouloir récupérer son fauteuil de président irritait beaucoup de monde, à commencer par ceux qui voulaient occuper la place. Mais on peut aussi penser que certains politiciens qui avaient été très liés à Hoffa ont été soulagés et ont peut-être même poussé à sa liquidation. Nixon ? Oh non, monsieur Pénaud, vous avez mauvais esprit. Un dernier mot. C'est aujourd'hui Jimmy Hoffa Jr. qui dirige le syndicat des Teamsters. Le fils, là, c'est une sorte de revanche posthume pour le père. Assurément. La meilleure preuve, c'est que les méthodes du fils ressemblent étrangement à celles du père. Une citation pour finir, je l'ai trouvée dans le livre de Robert Kennedy que j'ai déjà cité. Voici ce qu'il écrit. Le syndicat des Teamsters, c'est la plus puissante organisation des États-Unis en dehors du propre gouvernement de ce pays. Les Teamsters contrôlent tous les moyens de transport à travers les États-Unis. Pratiquement, la vie de chaque personne aux États-Unis est entre les mains de Hoffa et de ses Teamsters. Monsieur Hoffa a fait de son syndicat un instrument à son service, au service des puissances du mal. Quelques livres pour terminer. Cosa Nostra, la mafia sicilienne de 1860 à nos jours, de John Dickey, en poche chez Tempus Perrin. Cosa Nostra, un siècle d'histoire, d'Éric Frattini chez Flammarion. L'Atlas des mafias de Marianne Matar Bonucci et Fabrizio Macaglia chez Autrement. Et je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez trouver mention de tous ces ouvrages. Merci à Valérie Ayestaraï, Michel Billoux, Rebecca de Nantes, Monsieur Djoub. Et tout de suite, après le flash, CO2 Mon Amour de Denis Chessou.